I'm pain, pain, pain. It's alive! Réanimation, The Undead Incorporated Show, existe depuis 15 ans. Cela veut donc dire que depuis les 15 dernières années, semaine après semaine, je suis derrière ce microphone à déblatérer plein de choses plus ou moins sensées, mais aussi éducatives et bien entendu à vous diffuser du métal souvent très gras et méchant. Avouez qu'il faut être passionné de cette musique pour faire cet exercice depuis ces 15 dernières années, mais plus encore, je dois certainement avoir une vocation qui est celle de vous instruire. Vocation certaine, parce que tenter de vous instruire est pratiquement une cause perdue, bande d'ignards. Mais j'avoue y voir une certaine réussite, puisque certains d'entre vous communiquent avec moi à l'occasion et sont maintenant aptes à aligner 3 ou 4 mots successivement ayant une certaine cohérence. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui s'investit dans l'éducation, surtout lorsqu'il sait pertinemment que ce qu'il enseignera a autant de valeur qu'une théorie sur le pâté chinois. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Trash, go! Yeah! control their masses, masses, masses of control their masses, masses, masses of control their masses, masses. vision and insight. Living since conception, always fighting for your life. Underneath the surface, there toils your hell. Blasting it like a time bomb, watch the world explode. Some choose to celebrate, some choose to hate. Some choose to live their life through someone else's pain. All those who follow, all those with faith, show us your colors, American hate. Through American hate, hate. Through American hate, hate. Through American hate, hate. 89.1. Samedi le 25 avril prochain, 21h30, votre café-bar Le Zénob a le bonheur de vous présenter la formation mauricienne Brady Cardi. Pour une soirée festive, world beat, pop, reggae et tout ça en français, ne manquez pas Brady Cardi ce samedi 25 avril au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Car j'ai envie de toi dans une station. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation ce 21 avril de l'heure de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Ouverture de bloc trash metal, tendance death vers la fin. C'était, il me semble, assez évident. La formation polonaise Vader et l'introduction Invaders, qui était la préquelle, pour ainsi dire, à la pièce Chaos, que l'on retrouve sur l'album 25. C'est une compilation qui est parue en 2008. Elle vaut vraiment la peine parce qu'il y a des pièces qu'on retrouve tirées de différents albums de Vader, allées jusqu'à cette année-là, bien entendu. Mais certaines ont été reprises et de façon, je dirais, fort avantageuse. C'est sous étiquette Regan Records. Juste auparavant, nous avions At the Gates, tiré de leur dernière parution At War with Reality, qui est un très bon album, paru en 2014 sur Century Media. Il s'agissait de la pièce The Book of Sand, The Abomination, formation suédoise, qui, je dois dire, nous a bien servi en 2014. Nous avions formation américaine Testament juste avant, et la pièce True American Hate s'est tirée de l'album de 2012 Dark Roots of Earth. C'est jusqu'à présent encore leur dernière parution sous étiquette Nuclear Blast. Et nous avons ouvert avec une formation italienne qui en est à son deuxième album studio complet, soit Game Over. Non pas le titre de l'album, comme on aurait pu le croire avec Nuclear Assault, mais bien le titre de la formation. La pièce est en Master of Control. Et c'est tiré de l'album Burst Into the Quiet, qui est paru sur Scarlet Records. C'est une des bonnes formations trash metal dont j'ai retenu le nom et l'album au cours de 2014, parce que, au risque de me répéter, trash metal, on a fait le tour, ça fait un petit bout de temps. Mais il reste que si ça réinvente pas les roues, si ça ne refait pas le style, je trouve ça intéressant. It's guts. Ce soir, nous avons une mission encore comme toujours et davantage chargée, puisque nous avons deux parutions de nouveautés, soit la formation canadienne Xol et la formation américaine Skinless. Nous avons aussi, quand je dis nous, c'est moi seul, parce que je vois personne alentour d'autre. Là. Ben, en fait, il y en a plein dans ma tête, mais je les vois pas physiquement, bien sûr. Une émission je le disais, chargée, parce qu'il y a aussi Chronique Cinéma, des choses intéressantes depuis la semaine dernière, et petite chronique musicale aussi, bien entendu. À compter de ce soir, si je ne m'abuse, et je vais le vérifier à l'instant même, il ne resterait que 4 émissions de réanimation avant la longue pause estivale. Comme je l'ai dit depuis les dernières semaines, réanimation quittera les ondes pour la période de la fin mai jusqu'à minimalement le début septembre pour laisser place aux diffusions des parties des Aigles de Trois-Rivières sur les ondes de C'est Fou. Moi, ça va me faire un bon petit break. Je suis pas mécontent du tout. Puis ça va probablement me permettre de pouvoir revenir à l'automne avec plein de choses intéressantes. Je raconte n'importe quoi. Je m'en fous pas mal. Ben non, pas d'émission, bien sûr, mais de vous amener des nouveautés, surtout. Nous allons aller musicalement, cette fois-ci, avec une formation, entre autres, en début de bloc, qui, je dois dire que je... Comment dit-on déjà? Je néglige, voilà, une formation que je néglige, formation britannique qui donne dans le grind, il s'agit de Napalm Death. Par contre, ce bloc de trois pièces seulement, qui comporte Napalm Death, Oblivion et Slayer, est consacré à des pièces plus calmes, si je pourrais m'exprimer ainsi, disons downbeat, ce que Napalm Death ne fait pas régulièrement. Donc, allons-y tout de suite écouter la pièce de Life Less Alarm. C'est la pièce de clôture de l'album de 97, Inside the Thorn Apart, qui était leur 7e parution. Donc, allons devenir zen avec du métal. Ah, c'est merveilleux, ça. Napalm Death, go! We'll be right back.

la formation Slayer et la pièce de Gemini. C'est la pièce de clôture, la pièce de clôture de l'album Undisputed Attitude, qui était la 7e parution, parue en 1996, mais qui ne se valait pas du, qui ne se voulait pas plutôt du tout être un album de pièces originales, puisqu'il n'y avait que celle-ci, Gemini, qui était la clôture. Le reste de l'album, et ce sont des reprises de band punk, c'est, somme toute, assez moyen. Bon, j'imagine que c'était pour se faire plaisir qu'ils l'ont fait, sinon, à quoi bon? Juste avant, c'était une petite blague, hein, parce que ce n'était pas seulement trois pièces downbeat. J'avais mis la pièce que voici, Oblivion, Such a Quiet River, pour vous réveiller un petit peu, vous ravigoter. Donc, Such a Quiet River, c'est tiré de l'album Carnivore Motormouth. C'est la dernière parution de cette formation montréalaise, québécoise, canadienne, nord-américaine, j'en passe, et des meilleurs, qui est paru en 99 sur Hypnotic. Nous avons ouvert avec Napalm Death, formation britannique, bien entendu, qui donne, je dirais, à 99.9% de son temps dans le grind. Mais ici, il y avait exception avec The Lifeless Alarm. Pièce de clôture de l'album Inside the Torn Apart, qui est paru en 97, qui était leur 7e album, complet studio, sous étiquette E-Rakes. C'est incroyable la qualité de l'air ici. Je pleure, je perds la voix, j'éternue, je mouche. Ah, rien de mieux qu'une bonne vieille morgue malsaine. Bon, ceci étant dit, je vous amène maintenant à la première parution, présentation de la soirée, qui s'adresse à une formation canadienne qui vient plus précisément de Vernon en Colombie-Britannique. Il s'agit de Xul. X-U-L, Xul, Xil, Xul, prononcez-les comme vous le voulez, c'est Xul. C'est leur première... c'est leur deuxième parution, mais ici on parle d'un mini-album EP, puisqu'ils ont eu un album studio complet qui est paru en 2012 et qui portait le titre de Malignance. Ici, on s'adresse à, je dirais, un public qui aime le metal, black and death metal, je devrais dire, se pourrait se rapprocher des Behemoth. Écoutez, je ne peux pas comparer Xul à Behemoth, bien entendu, parce que Behemoth, ce sont un band très, très bien rodé qui ont fait leurs preuves depuis bon nombre d'années. Mais je parle dans la forme générale, si on veut, l'influence, si vous préférez. Extinction Necromance, comme je l'ai dit, c'est un mini-album qui comporte 4 pièces pour quand même pratiquement 30 minutes, 29-30 secondes, ce qui équivaut à bien des albums complets pour certains groupes. C'est sorti de façon indépendante. C'est en format digital. Moi, j'ai reçu ça par promotion. L'album, dans les faits, le mini-album, si on préfère, la date officielle de sortie est le 19 mai. Bon, pourquoi est-ce que je le passe aujourd'hui? Ben, c'est parce que ça me tente. Oui, il y a ça, mais aussi parce que je peux le faire dès maintenant, ce qui probablement, j'espère, vous incitera lors de la sortie officielle d'aller vous le procurer en format numérique. Et j'ai retenu une pièce qui est la première de ce mini-album qui porte le nom de Frozen We Drown. Voici la formation Xul. Go!

temps d'une pinte. Microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Fou de fraîcheur. C'est fou, 89.1. Avant la pause publicitaire, on a entendu un extrait, la pièce d'ouverture de la formation canadienne Xol, la pièce Frozen We Drown, c'est tiré du mini-album Extinction Necromance qui paraîtra le 19 mai sous forme indépendante. Je vais vous lire la petite chronique que j'en ai écrite sur le site de réanimation pour bien vous situer en fait par rapport à moi où je me situe par rapport au band metal canadien généralement. Donc, je cite, « J'ai toujours eu la même impression concernant les bands metal canadiens. Il manque toujours un petit quelque chose, une amorce pour que cela accroche. Il en est qui se distingue de la masse par un petit plus. » Et c'est vrai, à l'occasion, il y en a. Xol manque encore de personnalité, d'identité propre, mais on peut sentir que la motion est en action. Une production qui ne passera pas à l'histoire et qui me chatouille quelque peu les oreilles. Je parle ici, bien entendu, de la qualité d'enregistrement. Mais dans sa forme générale, il y a du bon et je le crois aussi. Il reste aux membres à mettre le doigt sur les éléments à corriger et peaufiner le tout. En fait, il manque de liant dans cet album. On sent qu'il y a une volonté. Par contre, on voit que des éléments ne se raccrochent pas les uns nécessairement aux autres, ce qui crée une ambiance de vide. Et ça, c'est une chose qui me déplaît généralement chez une grande majorité des groupes metal canadiens. Je ne parle pas nécessairement de groupes québécois, mais je dis bien canadiens dans son ensemble. On a tendance à oublier certains éléments qui sont importants et qui sont généralement très simples pour être capable de faire un tout. Il faut que ce soit rempli, le métal. On peut pas se permettre d'avoir l'impression qu'on écoute un gruyère plein qui a des trouées partout. Je pense à la meilleure analogie que je peux donner, là. Donc, dans les faits, j'ai donné un 6,5 à ce mini-album de Xol, Extinction Necromance. Mais je crois que le jet est assez bien, donc ils devront travailler à partir de ce qu'ils ont, une base qui est quand même bien. Il est 20h06, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, des Undead Incorporated Show, sur les ondes de Sifu 89.1 FM, et ça jusqu'à 21h, ça existe pas ça. En fait, ça serait 9h demain matin. 21h, ça n'a plus de sens. Je vous parle quelque peu de cinéma parce que j'ai eu le plaisir, je dis bien le plaisir, de voir deux films le week-end dernier qui m'ont bien plu. Le premier étant un film, c'est un thriller à caractère criminel ou policier si vous préférez, qui met en vedette Mark Wahlberg, John Goodman et Brie Larson. Je dois dire d'emblée, comme je l'ai spécifié un peu dans la chronique que j'ai fait de ce film qui porte le titre de Gambler, que Mark Wahlberg a vachement bien fait d'arrêter sa carrière pseudo-musicale avec Marky Mark and the Funky Bunch parce que c'était pas très bon. C'était en fait même ce que je qualifierais de mauvaise musique. Par contre, en tant qu'acteur, il est très bon. Ça, faut l'avouer, il est très bon. John Goodman, c'est un bon acteur aussi, et ici, je dois dire qu'il est dans toute sa splendeur, dans toute son énormité, il creuse l'écran, et écoutez le film, vous allez comprendre pourquoi. Bref, ça raconte l'histoire d'un enseignant qui est un joueur compulsif et qui accumule de nombreuses dettes de jeu. On parle de centaines de milliers de dollars. Et évidemment, ben, il les doit pas à son voisin, hein. Il les doit à des criminels, des gangsters, des Shylock qui veulent avoir leur dû, bien entendu, avec les intérêts qui s'imposent. Des intérêts qui ne sont pas comparables à aucune institution financière, j'en conviens. Et il décide de faire front et d'être très très audacieux, voire même très provocateur dans son attitude envers ses créanciers, parce qu'il n'en a plus qu'un, et de faire l'inverse de ce qu'il devrait faire. C'est vraiment un bon film. Écoutez, moi, le jeu, personnellement, s'il y a une chose qui m'a toujours répugné, c'est ça. Ça a un aspect déprimant, je dois le dire, pour ceux qui n'aiment pas le jeu. Par contre, le film se transforme rapidement en excellent trailer, en film intelligent et très bien acté. Donc, vous pouvez le voir dès maintenant en copie digitale, c'est disponible. Et tant qu'à la version Blu-ray DVD, ce sera disponible le 28 avril, donc dans peu de jours. Je lui accorde un 8,5 sur 10. C'est un film de Rupert Wyatt. L'autre truc que j'ai vu, qui est basé sur des faits vécus, porte le titre de Unbroken. Il porte aussi le titre francophone de Invincible. Et ne pas se confondre, parce qu'il y a plus d'un film qui porte le titre d'Invincible. Je parle ici de Unbroken, Invincible 2014, qui est un film à connotation, c'est un drame à connotation de guerre, même s'il n'y a pas énormément d'affrontements, mais c'est surtout une biographie, en fait, séquentielle, si on veut, qui met en vedette Jack O'Connell. C'est un film qui a été dirigé, réalisé par Angelina Jolie, oui, l'actrice Angelina Jolie, qui est aussi l'épouse de Brad Pitt. Je ne savais pas qu'elle travaillait derrière la caméra, mais semble-t-il que oui, et je peux vous dire qu'elle a fait un sacré bon travail. Le film raconte un fait réel, qui est celle de Louis Zampirini, qui est un courseur olympique, et qui, bien entendu, ben ça se passe avant les années 40 et la guerre éclate contre l'Allemagne, donc il y a conscription, ainsi de suite, et son rôle dans l'armée, eh bien, il est bombardier. Non pas l'avion, bien sûr, mais un bombardier, c'est celui qui opère le déclenchement des bombes selon les cibles retenues. Et lors c'est pas un exercice, c'est plutôt une mission de sauvetage et non pas une mission de guerre proprement dite. Leur bombardier connaît des ratés au niveau des moteurs et il s'écrase en mer. Sur l'équipage, il n'y a que 3 survivants, dont le fameux Louis Zampirini, ainsi que 2 camarades, je dois dire, d'infortune. Ils sont laissés à la dérive sur des canots gonflables en pleine mer, entourés de requins pendant plus de 45 jours, à devoir manger ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire on passe de la mouette aller jusqu'à la capture à main nue d'un petit requin pour le manger cru. Manque d'eau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit sauvé. En fait, une excellente réplique de la part de Jack O'Connell, c'est qu'il y en a un qui meurt en cours de route d'épuisement. Ils sont que 2, ils sont très faibles dans le canot et soudainement une ombre le réveille. Il dit à son compagnon : j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il dit : la bonne, on est sauvé. La mauvaise, on a un gros plan de la caméra qui donne sur un destroyer japonais. Qui était aussi en guerre, bien entendu. Donc, lui et son compagnon se ramassent dans des camps de prisonniers japonais. Ils sont excessivement maltraités, voire torturés. Ils sont mis à l'épreuve de façon extrémiste et inhumaine. Et il s'en sort. Donc, je ne veux pas aller plus loin parce que il n'y a pas vraiment de punch dans ce film, mais c'est de voir la détermination de ce personnage, de ce monsieur Zampirini, qui reviendra un jour sur sa terre américaine pour raconter ses expériences, ses horribles expériences. C'est vraiment très bien fait. C'est excellent comme film. Je lui accorde un 9 sur 10. Autre chose qui est vraiment bonne, j'en suis pratiquement à la conclusion de la 3e saison de Vikings, qui est une série présentée sur History Channel. C'est une série de Michael Hirst qui met en vedette Travis Fimmel, qui est vraiment excellent dans le rôle de Ragnar Lothbrok. C'est une troisième saison qui est très enlevante, qui, ma foi, dépasse assez facilement les deux premières, qui étaient déjà très bonnes. Je dois dire, pour 10 épisodes, là, c'est vraiment très, très bon Vikings. Si vous aimez l'action, si vous aimez la conspiration, si vous aimez les esprits tordus, vous allez être servi à souhait avec la troisième saison de Vikings. Autre chose, ben, je m'apprête bientôt à débuter la deuxième saison de Salem, qui est bien sûr une série à connotation fantastique et qui parle des sorcières de Salem. La première était vraiment très bonne, donc je pourrais peut-être vous en parler avant la pause estivale. De même que... sous peu, je vais pouvoir commencer la deuxième saison de Penny Dreadful. C'était vraiment excellent aussi. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un film de science-fiction thriller qui est de Tom Green, qui est un film de monstres géants qui s'appelle Monster of the Dark Continent. Je vous en parlerai la semaine prochaine dans la section des films que je conseille de découvrir ou de revoir. C'est un film de 1992 signé Francis Ford Coppola. Il s'agit de Dracula. C'est sa version mettant en vedette Gary Oldman, Anthony Hopkins et Keanu Reeves avec une excellente distribution. C'est un film qui est assez long. C'est une excellente adaptation du roman de Bram Stoker. C'est vraiment très fidèle au roman. C'est à grand déploiement. C'est côté acteur, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ce film-là, je l'ai vu à sa sortie au cinéma en 92. J'avais été marqué, et je le suis encore marqué, par la qualité de cette production cinématographique Dracula de 72. Je vous le recommande fortement, voilà. Je lui accorde toujours une excellente note de 9 sur 10. N'oubliez pas que ce vendredi, dès 11h, c'est l'édition de Rock Classique. Rock Classique, c'est une émission à caractère rock, bien entendu, qui est animée par mon bon ami le Rockmaster et par moi-même, votre humble serviteur. 6 heures de pur rock, on voyage dans le temps, on se promène depuis les premiers balbutiements du rock, on vient jusqu'à aujourd'hui. On côtoie beaucoup de styles et cette semaine, Rockmaster nous présentera des nouveautés dont j'ai oublié les titres parce que je n'ai aucune mémoire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aurai un segment qui va être Sovereign Rock et je crois que le Rockmaster devait y greffer quelques petites pièces. Donc, à partir de 11h, Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Voilà, ceci étant dit, j'en suis maintenant à ma deuxième présentation de la soirée qui s'adresse à la formation américaine Scandless, formation qui existe depuis 1992. Ils ont pris une pause en 2011 et 2013, mais ils sont toujours très présents. Ils donnent dans un brutal death metal à connotation gore, avec une humeur très caustique, parle de guerre, de mort, de misanthropie et ainsi de suite, de choses tout à fait intéressante à discuter lors d'un repas de famille. On parle ici de la dernière parution, Only the Ruthless Remains. J'ai dit dernière parution, ce n'est pas encore le cas. En fait, ça se trouve à être leur cinquième parution studio complète. Only the Ruthless Remains paraîtra le 2 juin prochain. J'ai eu une certaine permission de vous faire une petite incursion dans cet album que j'ai trouvé, ma foi, assez intéressant. J'ai accordé la note à Skinless de 7 sur 10. Ce n'est pas l'album death metal par excellence depuis la dernière décennie, mais ça s'écoute assez bien. La production est fort correcte. La présentation laisse un petit peu à désirer. Le côté graphique, c'est un peu ordinaire. Ça fait un petit peu enfantin, mais bon. Quand on passe par-dessus ça, le contenu est quand même intéressant. Je vous propose deux pièces qui sont respectivement Flamethrower et The Beast Smells Blood. Voici Skinless. Go! We'll be right back.

On vient d'entendre la formation américaine Skinless, ses deux pièces tirées de leur deuxième album à paraître, soit Only the Ruthless. Ce sera disponible le 2 juin sous étiquette Relapse. On vient d'entendre The Beast Smells Blood et Flamethrower. Ce que j'en dis dans ma chronique sur le site de réanimation, c'est que Skinless est loin de réinventer les roues. Ben, en fait, qui peut se vanter de le faire vraiment aujourd'hui? Mais l'album Only the Ruthless est efficace dans le genre. Ce sont des vétérans de la scène métal depuis 92. Et malgré qu'il ne s'agisse que du quatrième album studio complet, ce qui est très peu, soit dit en passant, Skinless fait partie des groupes reconnus sous la bannière du death metal. Only the Ruthless, c'est un album qui sonne plutôt gras et méchant. La production est bonne. On peut donc en conclure que, généralement, en parlant, ça en fait le travail. J'espère que ça vous a plu, parce que moi, plus ou moins. Ben non, c'est une blague, j'ai gardé quand même un 7 sur 10. La dernière partie de cette émission est consacrée en un seul et unique bloc qui est relativement long. Je parle de pratiquement 28 minutes ici, que je vais possiblement entrecouper d'ici la fin, pour ne pas que vous pleuriez trop. Je l'ai intitulé simplement « Ceux qui ne font pas les choses comme les autres dans le monde du métal ». En fait, j'ai retenu 5 formations qui, je dois dire, se sont pas mal toujours foutues de ce qu'on pourrait appeler les recettes habituelles, les gabarits qui sont souvent utilisés pour construire la musique, ici dans le métal, bien sûr, les stéréotypes aussi, souvent qu'on retrouve, mais aussi, je parle de sonorités qui sont assez particulières. En fait, la musique qui se veut... Le métal est une musique anticonformiste, de par sa définition, bien entendu, et je crois que cette musique était beaucoup plus anticonformiste il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on sait pertinemment que plusieurs éléments entrent en ligne de compte dans la conception métallique, et malheureusement, je dois dire qu'il y a le mot « mode » qui est associé maintenant à ça. Les groupes que je vous parle ici ne font réellement fi de cette mode, et soit qu'il n'existe plus, bien sûr, pour certains, et d'autres qui continuent à évoluer après une pause, ou qui n'ont jamais cessé, font ce qu'ils aiment de la façon qu'ils le veulent. Et ça, moi, j'apprécie ça. Je vous propose 5 formations qui sont respectivement Voivod, Death, Strapping Young Lad, Atheist et Gorgoth. Tout de suite, débutons avec Cloud in My House. Go! We'll be right back. formation était la pièce When the Beast, c'est tiré de l'album Jupiter. Dernière apparition de cette formation américaine, déjà il y a, ma foi, presque 5 ans, en 2010, sur Season of Mist. J'ai eu le plaisir de les voir et c'est quelque chose de voir cette formation non conventionnelle. D'ailleurs, je vous l'ai dit, le bloc s'intitulait « Ceux qui ne font pas les choses de la même façon dans le milieu du métal ». Et c'est un excellent exemple. « Strapping Your Lad » auparavant et la pièce « Hope ». On retrouve sur New Black, qui est paru en 2006. Lui aussi, j'ai eu le plaisir de... Ben, en fait, j'ai pas vu Strapping Your Lad, j'ai vu Devin Townsend. C'est quelque chose, ça aussi, à voir. Et c'est quelqu'un qui est un personnage très particulier, qui ne fait pas la musique comme personne ne l'a fait. En fait, dans le milieu du métal, bien sûr. C'est aussi quelqu'un qui a des petits problèmes à l'occasion, hein? Mais je crois que ça transpire très bien sur sa musique et ça donne un produit très original. Nous avions Death auparavant et la pièce Story to Tell. C'est tiré de l'album The Sons of Perseverance qui est paru en 98. Dernière apparition de cette formation, bien sûr, avec le départ de ce défunt Chuck Schuldiner, ça n'a pas aidé les choses. Death est une des premières formations de death metal à avoir apporté un aspect très progressif à leur musique, du moins dans leur dernière parution, bien entendu. On va avec Voivod et la pièce Clouds in My House. Ça, je dois dire qu'en 91, quand c'est sorti avec sur l'album Angel Rod, j'ai été très surpris. Il y avait une vidéo associée à ça aussi. Je me suis dit, wow, quel tournant pour Voivod. Et puis, je trouve que c'est un album qui est encore un de leurs highlights de leur discographie à ce jour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, restez à l'écoute de C'est fou parce que... Alex, il est là. Il est accompagné ce soir de... une espèce de lutin un peu hein, bizarre, là, avec une drôle d'odeur avec ça. Ils vont vous animer Matière Noire avec leur métal à tendance progressive et plus sombre encore. Il me reste une dernière pièce à vous proposer qui est une pièce tirée de Gorguts. De Gorguts, c'est de l'album Colored Sand, cinquième album de formation québécoise Gorguts. La pièce Enemies of Compassion. Je vous rappelle, par contre, que la semaine prochaine, c'est la dernière émission de réanimation pour le mois d'avril. Donc, c'est l'édition de l'album marquant. Ce mois-ci, on s'attarde à Cannibal Corpse et l'album Kill. Je vous présenterai aussi, je m'en rappelle plus c'est quoi. C'est pas grave. Mais j'ai un spécial aussi Decapitated. Bref, vous aurez la surprise. J'ai un blanc de mémoire. C'est horrible. Gorguts, Enemies of Compassion. Et là-dessus, bien entendu, écoutez ma bonne prescription. Comme à toutes les semaines, vous devez le faire. Allez tous vous faire foutre!